L'American Folk Music, une catégorie musicale construite. Il faut poser d'emblée qu'American Folk Music, littéralement musique du peuple des États-Unis, ne renverra pas ici à un répertoire musical ou à des pratiques spécifiques, mais bien à une catégorie musicale, un objet idéal dont la définition varie en fonction des experts qui collectent, conservent, classifient, diffusent, voire pratiquent les musiques qu'ils définissent comme telles. Ces experts ou inventeurs de l'American Folk Music, qu'ils soient musiciens, universitaires, producteurs de maisons de disques ou éducateurs, sont presque toujours des agents extérieurs au milieu culturel d'où proviennent les musiques qu'ils qualifient de folk. Tout comme l'émergence de la catégorie de primitive music ne saurait venir des peuples censés être primitifs, il serait saugrenu d'imaginer un bûcheron du Wisconsin qualifier spontanément ses champs de travail de musique du peuple. De quel peuple d'ailleurs ? La folk music est une catégorie musicale indissociable d'une expérience de l'altérité, le spécialiste face aux gens du commun. Si toute catégorie musicale est malléable et protéiforme, celle de folk music l'est plus que la plupart. Contrairement à des termes comme rock'n'roll ou polka, la folk music ne renvoie pas explicitement à des spécificités musicologiques. Il existe d'ailleurs autant de définitions de la folk music que de styles musicaux qui ont pu, à un moment ou à un autre, être qualifiés comme tels. Une musique peut entrer dans le canon folk et en ressortir ensuite. Le pionnier de la collecte de blues, Howard W. Odum, excluait celui-ci de la catégorie folk en 1925, mais déclarait dès l'année suivante qu'il venait, je le cite, directement du folk, aussi sûrement que les vieux spirituals. Il ne s'agira pas de démontrer que l'American folk music est un objet idéal construit, ni de juger de la pertinence a posteriori des choix de classification des experts. Je ne chercherai pas non plus à proposer une définition pérenne qui se substituerait aux tentatives antérieures. L'objectif sera plutôt d'exposer les arsenaux théoriques sur lesquels les différents experts s'appuient pour construire cet objet et en définir les critères. Par exemple, l'ancienneté du morceau, le statut et l'origine de l'interprète, ou bien les méthodes de transmission. Je m'intéresserai aux méthodes qu'ils emploient pour sa collecte, mais aussi sa classification, sa préservation et sa dissémination, quels types d'institutions interviennent dans ces efforts, et finalement, quels sont leurs objectifs, sociaux, politiques ou scientifiques, et pourquoi ce besoin d'inventer une musique du peuple des États-Unis. Cette exploration s'étendra des premières applications de la notion européenne de folk songs à des musiques américaines par les folkloristes universitaires et les compositeurs dans les années 1880, jusqu'à l'institutionnalisation de la folk musique américaine dans les années charnières du New Deal. Les années 30 sont en effet le moment où le gouvernement fédéral en fait l'expression musicale d'un patriotisme de crise, mettant à l'honneur les gens du commun.